Non, on ne veut pas entendre vos bails. Aïe, aïe, aïe, aïe. Baby, j'te fais mes goodbyes. Aïe, aïe, aïe, aïe. Dans ta tête, je rends une faille. Aïe, aïe, aïe, aïe. Ceux qui étaient des racailles. Aïe, aïe, aïe, aïe. Hey. Hey. Ça prend pas la tête à Papineau pour voir que t'as pas de flow. Ce que je veux faire, c'est jamais feuille de l'eau. Faut croire que je suis pas sans mots. Donne ton appui, sois happy. Montre-moi que toi t'es pas flappy. En plein milieu de la nuit, bouteille sec, je fais du bruit. Je donne trop de love, mes live innove. Un molotov, mange pas Pavlov. T'as pas de colonne, t'es une taloche. Moi j'ai du fun, t'as pas de caboche. Pourquoi est-ce qu'à chaque seconde j'ai l'impression de sortir de tombe? Aujourd'hui je veux être une bobonne. Non, on ne veut pas entendre vos bails. Aïe, aïe, aïe, aïe. Baby, je te fais mes goodbyes. Aïe, aïe, aïe, aïe. Dans ta tête, je rends une faille. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Ceux qui étaient des racailles. Aïe, aïe, aïe, aïe. Hey, hey. L'été arrive, on ressort les fans. Jamais fini le bord de la Slimane. Quand y'a du vent, moi c'est sûr que j'plane. Viens t'as ici que j'te kick dans van. 2023, c'est vrai que j'suis back. J'paye toutes mes bottes, dis pas que j'suis whack. Comme un ténueux, j'en ai eu en vrac. Tous ces curieux méritent une bonne claque. C'est inglissant, vous sais déjà. Si ça saigne, y'a des dégâts. J'veux ta chaîne, 24 carats. J'ai pas de gêne, ce sont encore. C'est la dernière rentrée à KMC. T'es mieux même d'en profiter. La police qui me casse le sac, toujours en train de profiler. Et si un jour tu parles sur moi, tu prouves que t'es pas un homme. Les haters sont sur moi, sur vous, je verse un shot de rhum. Shot de rhum. Non, on ne veut pas entendre vos bails. Aïe, aïe, aïe, aïe. Baby, j'te fais mes goodbyes. Aïe, aïe, aïe, aïe. Dans ta tête, je rends une faille. Aïe, aïe, aïe, aïe. Ceux qui étaient des racailles. Aïe, aïe, aïe, aïe. Hey, hey.